Chapitre 27e. Au bout de quelques jours, la fièvre se calma, mais elle laissa Mademoiselle de B dans un état d'abattement plus à craindre encore que la violence du mal. L'absence de Georges fut pour elle d'un effet mortel. Elle tomba en une molle langueur. Quelque chose s'en était allé d'elle-même avec celui qu'elle aimait. La chaleur et la vie lui manquaient tout à coup. Elle avait perdu dans son amant l'astre de son âme, et elle devint, en moins d'une semaine, ce que deviendraient les fleurs des champs si le soleil cessait de se montrer. Convalescente depuis plusieurs mois, elle fut reprise peu à peu par cette terrible maladie morale dont Georges Fritz l'avait tirée. Son esprit s'était éloigné avec le jeune docteur. Son cœur était parti avec son amant. Elle revenait de jour en jour ce qu'elle était autrefois, une pauvre créature insensible et toute proche du néant, qu'un souffle amoureux avait un instant appelé à la vie. Elle ne reprenait un peu de clairvoyance et de raison que quand on lui mettait au doigt l'anneau sympathique dont Fritz lui avait fait don. Cet anneau, qui était d'or, très simplement travaillé, lui servait à suivre des yeux du cœur son ami absent. Elle le voyait alors comme si elle eût été avec lui. « Il pense à moi, » disait-elle souvent. « Nous nous promenons ensemble au bord d'un lac sur lequel volent de grands oiseaux blancs. Nous nous aimons toujours, mon bien-aimé et moi. » Elle trouvait tant de mélancolie et de douceur à ces moments d'extase passés avec Georges absent, qu'elle pleurait quand, craignant de la fatiguer, on lui retirait l'anneau du doigt. Cet anneau enchanté la rapprochait de l'auteur et du principe de sa vie. C'était l'anneau d'une alliance mystique et surnaturelle, où les cœurs arrivent quelquefois sur la terre quand leurs pensées et leurs amours sont déjà, et pour ainsi dire avant eux, dans le ciel. Lorsqu'elle cessait de voir Georges, il semblait qu'une grande nuit se fît dans son cœur. Sa jolie tête, alourdie de sommeil, penchait comme un pavot sur sa tige. Elle retombait alors dans cette torpeur ancienne, dans cette mort de l'âme d'où Georges l'avait ressuscitée. Elle n'était plus bonne à rien, sans lui qu'à dormir et qu'à être belle. Encore sa santé, autrefois si forte, commençait à s'altérer. La fraîcheur de son teint se ternissait, des roses s'effeuillaient de sa bouche. Tout en elle dépérissait. Pulchérie s'en allait à l'automne avec les dernières volées de colombes sauvages qui passaient devant les fenêtres du château.